Première question. À combien, combien sera l'indice Dow Jones lundi soir prochain? Ça, c'était ma question. La deuxième question, j'ai eu la réponse, je te remercie. Est-ce l'arrêt du fonctionnement de la glande pinéale ou une faiblesse du système endocrinien qui crée l'aménorrhée et l'hirsutisme chez la femme? Explique ce phénomène. Par faiblesse du système endocrinien, ça dépend de plusieurs choses. Si c'est une aménorrhée à caractère évolutif, nécessairement, c'est une question de glande pinéale. Et ça peut aussi être une aménorrhée qui n'est pas nécessairement évolutive, ça ne veut pas dire que c'est involutif, là, mais qui n'est pas caractère ascensionnel. Alors, dans ce temps-là, c'est nécessairement une problématique au niveau du système endocrinien. Mais dans certains cas, et je connais quand même quelques femmes qui, à un moment donné, ont vu cesser totalement leur menstruation. Et, bon, elles se plaignaient, puis moi, je leur disais, moi, à ta place, je ne me plaindrais pas. Mais, puis ils disaient, ben non, mais finalement, c'est sûr que c'est pratique. Bon. Et ces personnes-là étaient des personnes qui étaient suffisamment ascendantes. Donc, il y a effectivement, parce qu'il faut comprendre une chose, plus l'humain va muter, il y a une cellularisation qui se fait, donc il y a un codifiage au niveau des cellules de l'ADN qui se fait. De plus en plus, je trouve des articles intéressants parce qu'ils confirment ce que j'ai dit depuis longtemps. Mais, c'est pas toi qui les as écrits. Non, c'est ça. Non. C'est ça, c'était ça qui est intéressant. Quand c'est toi qui l'écris, personne ne te croit, quand c'est d'autres. Alors, dans le livre sur le syndrome de l'enfant Teflon, je parle beaucoup du facteur génétique au niveau des caractéristiques d'expression de la psychologie. Alors, je dis que l'enfant nouveau, l'enfant Teflon, c'est que génétiquement, il est différent des enfants anciens. Alors, ça ne sert à rien de bûcher dedans, de donner des médicaments, de faire, en tout cas, il n'y a rien à faire. Il faut adapter des choses. Et souvent, il y a une personne sur 50 que je rencontre régulièrement dans les écoles, dans les commissions scolaires ou ailleurs, qui sont plus ou moins d'accord avec ce que je dis, parce que tout le monde continue à conserver l'idée que, de base, Dieu a créé l'homme égal à la naissance. Bon. Alors, j'ai beau leur expliquer que quand on dresse les chevaux, c'est la génétique qui détermine le cheval qu'on va prendre. La société Mira, ici, quand ils dressent les chiens pour les aveugles, ben c'est les caractéristiques génétiques. Donc, ils vont regarder les parents, ils vont regarder les grands-parents, ils vont regarder les chiots. Le premier qui sort de la boîte, il est déjà mieux que les autres. Il y a plusieurs choses qu'ils vont regarder et ils vont sélectionner. Et n'importe quel dresseur d'animal va dire que le dresseur est important, la matière de base, les plus. Quand ça devient, quand on se rapproche de l'humain, ah ben, c'est plus ça du tout, là. Alors que vous avez un cas à prendre d'alcool, puis votre psychologie est totalement transformée. Qu'est-ce qui a été changé? Le corps physique. Et là, il y a un article, justement, en France, on vient d'établir une nouvelle science qui est la psychogénétique, où maintenant, on reconnaît que 50, sinon plus, % de ce qu'un individu est dépend de sa génétique, et non pas du milieu. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites longtemps sur des jumeaux identiques qui séparaient, et puis il y en a un des jumeaux qui devenait médecin, érudit, etc., puis l'autre n'avait rien à faire. Et on s'est rendu compte par la suite que l'autre n'avait rien à faire parce qu'elle n'avait jamais eu accès. Et on s'est rendu compte qu'il y en a d'autres jumeaux qui ont été séparés. Il y a une personne, elle s'est abonnée à toutes les bibliothèques du village, puis l'autre est devenue professeur de langue française. Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'on parle de caractéristiques qui maintenant sont convaincues que c'est génétique. Et l'une de ceux-là est l'obéissance à l'autorité. C'est génétique. Et quand je parle de l'enfant Teflon qui n'obéit pas, qui est allergique à la stupidité, etc., bien là-dedans, on commence à se rendre compte qu'il y a des facteurs. L'alcoolisme, c'est génétique. Et on a de plus en plus en psychogénétique des facteurs, et des facteurs jusqu'à justement ça, l'obéissance à l'autorité et l'accréditation des systèmes traditionnels, c'est génétique. Bon, ça maintenant, ils en sont convaincus. Il est temps. Il y a bien d'autres choses qu'ils vont finir par découvrir. Quand on parle d'aménorrhée évolutive, on doit parler de quoi? On doit parler de cellularisation. Ça, c'est pas encore intégré au niveau de la science, ça va venir à un moment donné. Ça fait longtemps que je dis que le système endocrinien, c'est la voie de la santé ou de la maladie, parce que c'est par là que l'ego, donc le corps astral, s'exprime dans le corps physique. C'est lui qui massacre le corps physique parce qu'il se nourrit énergétiquement du corps physique. Bon, on a maintenant l'acceptation scientifique de plus en plus, puis ce qui est bizarre, c'est qu'on parlait, par exemple, on va faire d'insémination artificielle. Mais la mère, elle choisissait en tabarnouche le donneur. Pourquoi? Si c'est pas génétique, elle détermine ça va être, prend n'importe qui. Ah non, non, je préfère un prix Nobel ou je préfère, tu sais, quelqu'un qui... On n'a rien à faire. Prends un imbécile qui sort de prison, un arriéré, puis tu l'éduques comme il faut ton enfant, si la génétique n'est pas déterminante. Elle l'est drôlement. Dans l'évolution, l'humain, il y a une mutation psychologique qui s'impose progressivement parce que l'humain devient de plus en plus investi de son esprit, donc d'intelligence supramentale. Et quand on parle d'hommes ou de femmes nouvelles, on parle d'individus qui, à un moment donné, reviennent à l'enfance, c'est-à-dire qu'ils se remettent à croître. Ils sont en pleine maturation. Bon, ils ne grandiront pas plus. Certains corps physiques cessent de vieillir, certains rajeunissent. Si l'ego ne s'en mêle pas trop, ça devient extrêmement intéressant. Et ce qui va se passer, il va se passer que les individus, l'homme, va devenir stérile progressivement. Mais il peut être encore aux prises et mal pris avec le besoin d'une sexualité. Bon, on parlait la semaine prochaine de la sexualité, parce que le titre, c'est la sexualité, une sexualité sans corps physique. On va en parler de ce qui va se passer dans l'avenir. Ce qui a d'ailleurs fait dire à plusieurs intervieweurs, « Ouais, ah ben j'ai pas hâte, ça arrive. » Mais je sais pas ce qu'on va voir la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il en pense? Tu vas être malade la semaine prochaine. Ah, c'est ça? Et puis, tu vas te défouler avec ta femme? Ouais, bon. Mais il arrive ceci, il arrive qu'il y a un moment donné où la femme doit devenir stérile, mais les ovules féminins sont rarement stériles. Soit dit en passant, une femme peut avoir des ovulations pendant de 2 à 400 ans. Quand elle arrive à la ménopause, ce n'est pas parce qu'elle n'a plus d'ovules. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une ovulation, il y a des hormones qui sont sécrétées, qui sont enregistrées au niveau du cerveau, puis quand la banque est pleine, le corps physique sait que la femme est à éliminer. Bon, maintenant, elle doit normalement vieillir et mourir. Parce que la science, maintenant, entretient la femme plus longtemps, on a quand même des choses pour la maintenir, ça va bien. Et on revient encore sur la question de génétique. À la ménopause, plusieurs femmes vivent des détresses psychologiques, ne se reconnaissent plus. Et j'explique souvent que l'astral, l'ego, s'exprime par les voies endocriniennes. Si le corps physique change endocrinalement, l'ego ne s'exprime plus de la même façon. Puis comme il a besoin du corps pour se lire, il ne se reconnaît plus. Alors, on va donner des hormones aux femmes pour compenser. L'ego peut s'en servir et la femme, elle se retrouve. Très important, le corps physique. Très, très important. Alors, il arrive ceci. Il arrive que, à la ménopause, la nature considère que la femme n'a plus la capacité de cellularisation. L'andropause arrivera aussi pour l'homme, mais c'est moins fréquent, c'est plus rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature considère que, rendu à un certain âge, la femme n'a plus l'énergie vitale nécessaire pour changer le code génétique de façon à transmettre son évolution à ses enfants. Donc, on l'élimine et les enfants femelles qui, eux, l'ont, prendront la relève. Dans un système planétaire où il y a d'évolution à travers des millions d'années, c'est intelligent, évident et logique. L'homme, ce sera la même chose. L'homme arrive à un moment donné où il commence à vivre une andropause. Il y aura peut-être une inflammation de la prostate, il y aura plusieurs choses qui peuvent nuire. Mais à un moment donné, l'homme, moins que la femme, mais l'homme peut aussi, à un moment donné, être reconnu par la nature comme n'étant plus capable de cellularisation, et il sera rejeté aussi, d'où mortalité des corps physiques. Maintenant, quand un être humain cellularise son évolution, il y aura la première cellularisation, c'est une reprogrammation du système neuronique. Donc, l'individu va peut-être perdre la mémoire un petit peu pendant un laps de temps. Progressivement, elle va raisonner plus rapidement, comprendre des choses différentes, avoir une conscience qui n'aura plus d'envergure dans des sujets particuliers, donc sera un être conscientisable. On pourra parler de concepts comme on le fait à soi, puis les individus vont être capables de suivre. Pas de tout mémoriser, ce qui est dit, donc de suivre. C'est deux choses extrêmement différentes. À un moment donné, progressivement, la cellularisation vient transformer l'un des vecteurs de manipulation et de vieillissement corporel. C'est l'hypothalamus et la glande pinéale, l'épiphyse. L'épiphyse et l'hypophyse. Progressivement, ça va bouger le thalamus et l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre du système endocrinien. Et c'est par là que notre ego s'exprime pour s'exprimer dans le corps physique. Quand on a peur, le cœur accélère, se passe plusieurs choses, c'est uniquement endocrinien. L'ego s'exprime. Et par les voies du thalamus, l'ego est au courant de son expression. Alors, vu qu'il perçoit que la réaction qu'il a fait dans le corps physique, il en déduit qu'il vit et il se nourrit aussi de l'émotion. C'est pourquoi l'humain adore l'émotion et l'humain n'aime pas le sentiment. Je posais la question tout à l'heure, la différence entre l'un et l'autre, c'est que l'émotion, elle est endocrinienne, donc elle se vit dans les tripes. Et l'ego peut lire dans le corps physique, donc l'ego s'alimente. Le sentiment, il est énergétique, il ne nourrit pas l'ego. Alors, le sentiment, l'ego ne le recherche pas. Alors que dans l'amour dans l'air du Verseau, ça sera un amour sentimentique et non pas émotif. Alors, il arrive que progressivement, l'hypothalamus commence à être assujetti, donc subjugué par la voie du mental, par une mutation neuronique, et progressivement, il y aura des mutations qui vont s'opérer, d'où il peut y avoir donc apparition d'aménorrhée. Alors, dans ce cas-là, il y a un personnage, plutôt son nom, qui a dit que pour pénétrer le royaume des cieux, il fallait redevenir un petit enfant. Bon. L'enfant, en Lémurie, il y a eu une séparation des sexes. Pourquoi? Parce qu'avant, l'être humain, ben, c'était pas les êtres humains pluricellulaires, c'était monocellulaire, ça se divisait. Bon. Et progressivement, il y a eu une complexité cellulaire. On a commencé à être pluricellulaire. Et la majorité de l'énergie vitale qui nous permettait d'être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'on était capable d'être l'homme et la femme, donc père et mère en même temps, comme certains animaux encore le sont aujourd'hui, par exemple, la femme était capable de se féconder elle-même, puis elle avait un enfant. Mais il n'y avait pas d'homme. Bref, il n'y avait pas de femme non plus. C'était de la race humaine. La majorité des animaux, d'ailleurs. En Lémurie, ce qui est arrivé, c'est qu'une partie de l'énergie vitale qui était placée au Mooladhara chakra, donc là, au niveau d'un des centres endocriniens sexuels, ça a commencé à monter le long de la colonne vertébrale et c'est allé ouvrir le centre laryngé et le cerveau. Ça a engendré l'humain qui a pu maintenant penser, avoir une parole pour pouvoir structurer la pensée, mais il lui manquait d'énergie vitale et il y a eu progressivement adaptation au niveau, ça prend le temps que ça prend, et il y a eu l'apparition donc de l'homme et de la femme, qui sont polarisés différemment au niveau du corps physique puis des autres corps. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'enfant qui vient au monde, lui, a besoin de toute son énergie vitale pour développer son centre laryngé, son centre cérébral. De ce fait, il n'est pas reproductible avant un certain âge. Et on sait que chez l'enfant, la glande pinéale sécrète des hormones qui viennent totalement empêcher la sexualisation. Rendu à un certain âge d'adolescence, lorsqu'on considère que la génétique des parents et de toutes les lignées familiales, donc les 30 millions de lignées familiales antérieures, est maintenant déployée dans l'enfant, alors l'enfant commence à vivre la phase d'adolescence pour devenir un adulte. Bon, hélas. Et adulte psychologique, il reste au moins un enfant. Alors, l'enfant devient un adulte et là, il commencera un processus de vieillissement, mais un processus de maturation où il cellularise l'évolution. Elle est transmissible aux enfants. Parce qu'avant, on avait des enfants en trop bas âge, ça paraissait pas trop. Et aujourd'hui, inconsciemment, beaucoup de personnes ne veulent pas avoir d'enfants tout de suite, veulent vivre leur vie avant. Ce qu'ils veulent dire par là, inconsciemment, c'est qu'ils veulent avoir de l'évolution cellularisée pour engendrer un meilleur marché. Bon. Maintenant, donc, il y a ce phénomène-là. Dans l'évolution, certaines personnes arrivent à des moments donnés où ils deviennent stériles chez l'homme. Alors, il y a beaucoup moins d'énergie vitale qui va structurer les spermatozoïdes. Et la femme peut vivre une phase aussi d'aménorrhée où elle aura une forme de ralentissement, sinon d'arrêt, parce qu'elle a besoin de plus d'énergie vitale de façon à être capable de finir de structurer son centre laryngé, qui va lui permettre de communiquer plus d'énergie en même temps que le mot, que la parole, donc d'aller vers le verbe, et de développer son centre neuronique qui va lui permettre d'avoir une conscience beaucoup plus d'ampleur. Encore une fois, ça peut être une question d'évolution, ça peut être aussi une question de phénomène hormonal. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est que si ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Ce n'est pas une question d'être normal ou d'être... Est-ce que ça veut dire que si on continuait d'appliquer la compréhension des phénomènes, comme la transparence dont tu parlais tantôt, puis toutes les mécaniques évolutives, le corps ne vieillirait pas parce qu'on continuerait d'utiliser la cellularisation? Non, pour que le corps cesse de vieillir, il y a une chose qui est importante, qui est un peu longue à expliquer, c'est que les cellules se divisent. Hein? Si on prend une cellule d'un corps humain et qu'on la place dans un bac, par exemple, dans une culture, la cellule elle va se diviser éternellement. Donc, toutes vos cellules sont immortelles. Seulement, et seulement si, elles ne sont pas sous votre corps. Parce que là, on les tue. Dans le corps physique, il y a évolution. Cellularisation, l'humain évolue. Les cellules se divisent et la cellule qui est rejetée est la cellule fille. C'est-à-dire qu'il y a une cellule qui est un petit peu. Et on va dire que les cellules se reproduisent identiquement. Dans un corps vivant, ça devient faux, parce que si les cellules se reproduisent identiquement, on ne vieillit pas. Donc, elles perdent progressivement de vitalité et elles perdent progressivement de mémoire ADNique, c'est-à-dire que la structure de l'ADN change. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une évolution au niveau cellulaire, et quand la cellule se divise à un moment donné, il y a un chronomètre cellulaire qui l'avertit, la cellule qui vient d'être créée, chez l'adulte surtout, est une cellule plus évoluée et c'est elle qui est rejetée. Et progressivement, on garde la vieille mémoire, puis lentement, elle perd de l'énergie pour rejeter l'autre, parce que l'autre ramasse tout ce qu'il faut, puis finalement, on vieillit. Mais pourquoi on rejette celle qui est le plus évoluée? On rejette pas celle. Non, mais pourquoi le corps physique fait ça? Ah, c'est autre chose. Oui. Pour la simple raison que tout ce qui... l'ego refuse tout ce qui peut amener des changements vers le neuf chez l'humain, parce que ça oblige l'ego à changer, d'où souffrance astrale, souffrance psychologique, et on ne veut pas. Après, les individus, on fait juste parler d'améliorer la tradition ou de changer la tradition, puis dans la majorité des religions, c'est une crise totale. Une personne s'en va ou une personne meurt. Chez dans l'ego de l'individu, c'est souvent une crise totale. C'est refusé. Ça ne veut pas. Alors que l'humain, la conscience, le mental de l'humain, il veut en maudit. Et c'est pourquoi plus ça va, plus il y a une technicalité, il y a des techniques neuves qui devront être appliquées pour l'humain, pour l'homme nouveau, la femme nouvelle. Et plus le mental va être capable de comprendre les choses, ils ne sont pas le maître contrôleur dès le départ, mais plus il va être capable de comprendre, plus il va se passer sans qu'on ait à travailler, des transformations au niveau du corps physique, au niveau du système neuronique pour commencer, et il y aura des mutations à l'interne, et progressivement, il y aura justement rejet des traditions biologiques, donc on va rejeter nos ancêtres. Alors on finira par avoir un corps totalement neuf qui ne sera pas tributaire de la génétique de nos ancêtres, mais qui sera né de celle-là, ce qui fait que si nos ancêtres étaient cardiaques, on ne le sera pas, puis etc., etc. Bon, mais... Pour ça, il faudrait que ce soit le mental qui contrôle le Il faut que le mental soit le maître contrôleur à bord du corps, et le mental peut devenir le maître contrôleur uniquement s'il y a suffisamment de conscience supramentale qui s'élabore à l'intérieur de l'individu, donc suffisamment d'intelligence et d'écologie, et d'énergie. L'ovaire sert-il à autre chose que la reproduction? Et l'ablation de celui-ci crée quoi dans l'ego et la mécanique évolutive? Il n'y a pas le temps de poser des questions, parce que moi, j'aurais été intervieweur, j'aurais dit « L'ovaire sert-il à autre chose qu'à la reproduction? » Il aurait entendu voir ce qu'il dit. Après ça, j'aurais dit « L'ovulation de celui-ci, l'ablation. » Ah oui, parce que d'un coup, que je viens pour dire que ça sert énormément, en disant l'ablation de celui-ci, là, je me dis « Ah, ben, je ne suis pas pour dire que ça sert énormément, okay, mais ça ne... » Je me suis dit que tu étais plus intelligent que ça, puis tu répondrais correctement aux deux questions. Voilà. Le ver sert uniquement à la reproduction. Ça veut dire que c'est un organe extraordinairement essentiel. S'il n'y a pas de reproduction? Il y a plein d'autres vers sur la planète. Après que servi à la reproduction, il ne sert à rien d'autre? Non. Oh, ça trouve des petites utilités qui sont facilement remplaçables par d'autres choses, mais au niveau de la fonction mère de l'ovaire, c'est une matrice qui permet de créer ce genre de choses. Alors, ça n'a pas d'incidence majeure. Ça aura des incidences un peu endocriniennes si il y a l'ablation. Une hystérectomie au complet, par exemple, ça va créer des incidences endocriniennes. Ça va créer des choses comme ça, c'est évident. Mais ce n'est pas des problématiques d'évolution. Parce qu'il y en a qui ont, par exemple, disons qu'on dirait que une glande particulière, c'est extrêmement important. Il y en a plein qui ne l'ont pas. Il y en a d'autres choses, il y en a plein qui l'ont, puis eux autres sont encore plus bas. Fait que tu sais, non, l'ovaire, ça sert au niveau de la reproduction, mais quand on n'a pas d'ovaire, on n'a pas d'ovaire, ben, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait suffisamment d'ovaires puis suffisamment de reproducteurs sur la planète. Surtout qu'on est capable d'avoir un enfant par imprégnation, pas uniquement par reproduction, donc c'est pas... La génétique est-elle transformée par imprégnation, comme tu dis, ça peut être un neveu, une nièce, une adoption? Oui. Progressivement, la génétique de l'autre est transformée. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que c'est transformé uniquement en fonction de sa qualité de recevoir de l'intelligence. Donc, ce n'est pas une manipulation en fonction de ton ego. Comme par exemple, tu vas dans un pays, tu aimes le pays, ben tu es changé toi aussi. Hein? Tu changes. Mais tu changes en fonction de ce que tu es. Si le pays, tu ne l'aimes pas, tu changes en fonction de ce que tu es aussi. Dans ce qui concerne, par exemple, l'imprégnation, donc un individu, un enfant ou un adulte qui se tient près d'un homme nouveau ou d'une femme nouvelle, bien, il y a nécessairement un rayonnement, donc il y aura une imprégnation et l'individu va changer en fonction de ce qu'il est. Autrement dit, un barbare restera barbare. Mais après 200-300 ans, il peut-être sera moins barbare. Alors qu'un individu qui, lui, il est souvent mal pris entre les deux, bien, il va trouver bénéfice d'être prêt. Et on peut donc créer des structures réincarnationnelles uniquement par imprégnation, même si on n'a pas d'enfant. La négolisation est-elle l'outil unique de la chirurgie astrale? Non, la négolisation, qui veut dire simplement l'ablation de l'ego, si on parle de chirurgie astrale. La négolisation, c'est un mot que j'ai inventé pour exprimer plus précisément ce que l'antique étymologie appelle humilité. L'humilité, c'est la copie mémorisée, la copie astrale, la copie psychologique de la négoïsation. On parle d'âme pure. Une âme, l'âme est extraordinairement importante. Pourquoi? C'est de l'énergie astrale qui permet la relation entre le mental, donc et les sphères supérieures, et le vital, donc le corps physique. Sauf que dans l'âme, il y a de la mémoire, et la mémoire s'agglomère, et il devient un ego, et l'ego se prend pour le nombril du monde. Une âme pure, c'est une âme qui n'a pas d'ego. Sauf que si on élimine l'ego chez un individu qui n'a pas de mental, on en fait un zombie, un mort vivant. Si on élimine l'ego chez un individu qui a un mental, on en fait un dieu. Sauf qu'on ne peut pas éliminer l'ego chez quelqu'un qui a un corps mental. Il devra le faire lui-même. L'ego, c'est un immense réceptacle d'énergie, c'est un condensateur d'énergie, c'est pourquoi il est extraordinairement puissant pour nous manipuler. Cette énergie-là, elle est utile. Elle a été condensée parce qu'on n'avait pas d'autre place où la mettre, et à un moment donné, lorsqu'on devient un peu plus conscientisé, lorsqu'on est capable de transparence, lorsqu'on est capable de ce genre de choses, progressivement, l'ego commence à fondre. Cette fonte engendre certaines problématiques qu'on a déjà vues souvent dans les conférences. Et la fonte de l'ego fait qu'on récupère de l'énergie. Récupérant de l'énergie, on épaississe l'enveloppe de l'âme. Épaississant l'enveloppe de l'âme, on devient moins manipulable par autrui. Donc, on devient épais. C'est qu'on est moins manipulable, on écoute moins. Mais on devient plus individualiste, ce qui est essentiel à l'évolution. Ne pas être collectif. On peut être 20 000 personnes. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les 20 000 uniquement parce qu'ils sont 20 000. On n'est pas collectif. Bon, on est un avec tout le monde, on est un contre tout le monde, ça n'a rien à voir, on est soi. Puis on n'est pas contre non plus parce que si les 20 000 ont raison, c'est-à-dire si on a la même opinion. On est pour, on est avec. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais sauf que si tu es le seul qui pense que c'est bleu, tout le monde dit que c'est rouge, ben tu continues à penser que c'est bleu, c'est pas parce qu'ils sont 20 000 que tu penseras que c'est. Bon. Alors que normalement, l'humain va le faire. Alors ce qui arrive progressivement, c'est que l'ego va fondre, ça épaissit le corps vital. Qu'on appelle périsprit, qu'on appelle aussi corps séraphique, dépendant des étymologies. Et l'épaississant, on est moins manipulable, mais on l'est très par l'intérieur, et l'ego commence à être puissant, le mental aussi. Et plus l'ego va fondre, plus il y aura de l'énergie, et à un moment donné, il y aura suffisamment d'énergie que le corps physique va commencer à en bénéficier par la négoïsation. Le Nazaréen a vécu ce problème-là, c'est un problème d'ailleurs qui est assez compliqué pour certaines personnes, s'il ne contrôle pas cette énergie-là, parce qu'il commence à imprégner les autres, à impressionner les autres, à guérir autrui, à être à passer à côté d'eux, puis après ça, tout le monde court après, le monde, ils veulent les têter, puis plus ça va, plus ça vampire. Bon. Lorsque l'ego fond encore plus, il arrive qu'on a seulement d'énergie, que ça commence à être projeté dans le plan moronciel et ça crée un double éthérique. Le double éthérique, c'est ce qui, quand ça va se fusionner avec le corps physique, engendre le corps de lumière, ce qui est arrivé aux Nazaréens d'ailleurs, et à d'autres personnages aussi. Et c'est la seule façon d'avoir une conscience qui va rester immortelle, même si le corps physique s'en va. Alors que les autres humains qui n'ont pas de double éthérique gagnent le monde de la mort et vont rejoindre tous ceux qu'ils ont connus et aimés pour l'éternité, c'est-à-dire qu'ils se digèrent, ils se fusionnent entre eux. Alors les individus vont se réincarner pluralitairement, ils ne se rappelleront donc pas qu'ils ont été. Ils vont se rappeler qu'ils ont été plusieurs personnes, c'est vrai, mais si justement ils sont l'agglomération de plusieurs personnes, comme nos corps physiques, c'est des vestiges de tous nos arrière-grands-pères et grand-mères. Alors, quand on parle de négoïsation, on parle donc de fonte de l'ego, qui peut se faire de deux façons, à coup de masse, et d'une autre façon qui est très douce, qui est presque aussi rapide aussi. C'est celle que moi je préconise surtout, moi j'aime bien m'amuser moi, dans l'évolution. La chirurgie astrale, c'est une mécanique que je vais enseigner prochainement à certaines personnes. C'est une mécanique que j'ai mise sur pied, mais que je n'ai pas encore commencé à diffuser. Les personnes doivent quand même être rendues à un certain niveau de contrôle mental sur eux-mêmes. Puis il faut qu'il y ait déjà un très bon discernement d'accompli entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'imaginez que vous voulez opérer un patient, puis vous n'êtes pas capable de discerner entre votre corps et le sien. Ça se pose. Il risque d'avoir quelques problèmes, donc il faut bien discerner entre le mental et l'astral pour faire une chirurgie astrale. Et par la suite, l'individu qui fait une chirurgie astrale, une fois qu'il a appris comment, il fait ça tout seul. Il n'y a pas une tierce personne ou une autre personne qui vient s'en mêler. Parce que l'évolution vers l'intelligence, c'est toujours seul, c'est préférable. Il n'y a pas de manipulation. Celui qui tient le bistouri, c'est le patient. Non. Et le médecin. Non, mais par contre, ils sont dans la même maison. Parce que l'ego et le mental, c'est pas la même chose. C'est le mental qui tient le bistouri. Il n'y a pas d'intervention extérieure, c'est pas toi qui tiens le bistouri, c'est celui qui... C'est ça, mais ton mental, toute ta conscience, va pouvoir opérer ton ego. Et la chirurgie astrale, l'avantage qu'elle a, c'est qu'il y a des affaires, il y a une partie qui est colérique, là, ben, je vais la couper au complet, puis on va la défaire. Elle va se digérer, ça va finir là. Et ça prend pas tellement de temps pour que ce soit réglé. Bon, alors c'est une chose intéressante. Mais ça prend des individus qui m'ont... La négoïsation, est-ce que c'est l'outil unique de la chirurgie astrale? La négoïsation, c'est un processus d'évolution, c'est un processus de digestion de l'ego. Il se fait par frustration, il se fait par souffrance, il se fait par écœurement, il se fait par apprentissage, il se fait par compréhension, il se fait par intelligentiation. Et la négoïsation peut se faire par chirurgie astrale dans certains cas où on a des individus qui ont la capacité d'accomplir certaines fonctions sur la planète. Et ces individus-là auraient intérêt, ou du moins la planète aurait intérêt, à ce que certaines choses s'accélèrent un petit peu. Et s'il y a une technique, c'est parce que c'est le temps de l'appliquer. Alors, ces individus-là, donc, pourraient aller faire ça. Sauf, il faut faire attention, c'est que la chirurgie astrale, elle a certains inconvénients. Comme il y a des effets secondaires. Par exemple, c'est préférable d'évoluer sans chirurgie astrale. Pourquoi? Parce que dans une chirurgie astrale, énormément, il y aura beaucoup d'énergie de l'ego qui va servir à la chirurgie. Autrement dit, l'ego doit créer le double éthérique, mais dans une chirurgie astrale, les parties qu'on va ôter, il y a une grande partie de cette énergie-là qui sera perdue. On ne pourra pas en faire un double éthérique. Donc, l'individu qui aurait une raison intelligente de se purger de certaines problématiques pour faire de quoi, c'est qu'il a déjà un ajusteur de pensée, puis il est déjà en contact avec une partie de double éthérique en création. Donc, il sera capable de compenser. Sinon, c'est préférable que les individus fassent un cheminement par intelligentiation, conscientisation, écologisation, bref, un cheminement qui est courant, qui est quand même rapide, qui est plaisant aussi, parce que là, ils auront... Ça va éviter qu'ils aient, à un moment donné, à se relier à certains condensateurs d'énergie pour aller chercher l'énergie qui manque de façon à s'accomplir. Explique les opérations faites seulement par les mains des guérisseurs de Philippines. Ah, oh ben c'est facile, ça. Ils prennent des morceaux d'animaux, et puis ils les cachent. Et puis après avoir tripoté le corps de l'autre, ils sortent l'animal. La personne apprend qu'il est guéri, puis voilà. Y en a-tu des bons là-dedans, pour le vrai? Ah, c'est quoi bon? Tu veux dire, est-ce qu'il y en a... Si ça marche sur la psychologie, c'est bon, parce que ça guérit le corps physique. Oui, si ça marche sur la psychologie, c'est vrai. Hein? Bon, alors ils ont fait des analyses sanguines. Ça fait partie des choses ridicules un petit peu. Les guérisseurs, bon, vous avez par exemple un problème, vous avez une appendicite. Alors, il y a un guérisseur qui commence à vous tripoter le corps physique, puis là, il donne l'impression qu'il sort l'appendice qui est inflammé à travers la peau. Pas de cicatrice, pas rien, pas de douleur. Bien, vous avez senti ses mains tripoter. Il y a un peu de sang qui est sorti et il a l'appendice. Alors, on fait des analyses et on se rend compte que le sang qui a coulé, c'est du sang animal. Après vérification de l'appendice, c'est un appendice animal. Fait que là, Fribb, vous êtes fait avoir. Tu dis tout le temps que c'est l'animal humain qui fait que ça. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Et quand on fait une radiographie, dans certains cas, il n'y a plus d'appendice. Bon, dans la majorité des cas, l'appendice est encore là. Mais dans le cas où il n'y en a plus d'appendice? Dans le cas où il n'y a plus d'appendice, ça serait long à expliquer. On va juste expliquer dans le cas où ce qui est encore là, mais un peu inflammé. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que les guérisseurs sont capables de faire croire suffisamment à l'individu ce qu'ils font, et l'individu fait le travail lui-même. Bon. Un médecin un jour a dit « Le médecin pense la plaie, Dieu la guérit. » C'est l'humain. Alors, c'est simple. C'est qu'il suffit simplement que tu le crois, puis ça fonctionne. Puis c'est vrai. La problématique, c'est que l'ego humain est tellement médiocre, hein, c'est la médiocratie, il ne fait pas confiance à lui, donc il faut qu'il s'en remette dans les mains de quelqu'un. Puis plus il va y faire confiance, plus on assistera à des trucs qu'on appelle des miracles, à des phénomènes extrêmement intéressants. Certains cas, les guérisseurs philippins n'ont pas réussi. Parce que la personne n'y croit pas. Ben, j'avais un masque sceptique en tout cas autour d'elle. Il y a toute la famille qui est venue voir comment elle se faisait niaiser, je sais pas trop. Bon. Dans d'autres cas, c'est génial. Et dans d'autres cas, c'est entre les deux. Mais comme je le dis souvent, on fait tout un chiard avec les maladies psychosomatiques, puis on refuse totalement de croire aux guérisons psychosomatiques. Il faudrait qu'on se branche. La psychosomatique, ça peut créer le cancer, ça peut créer ça magane le corps. Ça peut tout créer, mais ça peut rien guérir. Ça peut-tu régénérer à un moment donné, ce crime? Ça peut régénérer en maudit? Ouais. Tu sais, alors la science, à un moment donné, elle va de plus en plus s'ouvrir là-dessus, mais la psychosomatique, elle va dans un sens comme dans l'autre, c'est évident. Edgar Cayce a soigné plein de monde avec l'huile de ricin. Je veux dire, si ton niveau de conscience est au niveau de l'huile de ricin... Il a soigné plein de monde avec de l'huile d'olive, ouais, qu'il mettait au soleil. C'est ça. Puis ça fonctionnait, parce que ça fonctionne. Mais ça fonctionne seulement quand ça fonctionne. Petite question à deux points. C'est quoi le but de l'univers? OK, c'est une question qui est facile à répondre, mais qui est très difficile à comprendre. Bon, je peux la résumer, on va finir un petit peu après. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, j'en ai d'autres. Bon, c'est une question que je réponds surtout au niveau du séminaire, parce qu'on a beaucoup de temps, mais je pose d'autres questions, okay. Puis si on a du temps, on vient avec. Que fait-on quand les questions et les réponses viennent en même temps et que l'on a toujours peur de manquer de temps? Quand les questions et les réponses viennent en même temps. Ben, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer premièrement c'est quoi une question. Imaginez que vous avez une livre de beurre. La livre de beurre, c'est votre ego. Alors, c'est plein. Un ego, normalement, il est toujours plein de trous là-dedans. Parce que vu que c'est pluriconstitué, c'est comme si on prenait plusieurs petits morceaux de beurre puis on les collait ensemble sans les écraser. Il y a plein de trous. Ces trous-là, c'est ce qui fait que l'ego est toujours en quête de quelque chose. L'amour, c'est l'une des... L'amour humain, l'amour conditionnel, c'est l'une des formes qui s'adapte le plus. Ça comble les trous. Ça a un défaut, c'est volatile. Il faut l'entretenir. Bon. Alors, on prend un ego plus compacté, on prend une livre de beurre. C'est l'ego. Ça, c'est de la mémoire et c'est plein. Il arrive à un moment donné qu'il y a une information, on va dire par exemple un contact supramental, quelque chose d'intelligent, du neuf, qui traverse. C'est comme un bâton. Ça traverse la livre de beurre. Ça fait un trou dedans. Le bâton, il était coloré d'encre bleue. Alors, une fois que le bâton a traversé la livre de beurre, il y a un trou dans la livre de beurre. Mais le trou est coloré en bleu. Il y a un trou dans l'ego. Immédiatement, l'ego cherche à combler le trou. Il se sent insécure. Mais là, l'ego, qu'est-ce qu'il y a? Lui, c'est qu'il y a la couleur bleue et la forme du bâton. Et ça, il va l'exprimer. C'est la question. Qu'est-ce que c'est que la réponse? La réponse, c'est ce qui bouche le trou. Alors, on peut inventer une réponse qui va boucher suffisamment le trou, l'ego est satisfait. Les traditions ont comme fonction de venir boucher tous les trous amenés par le neuf. Parce qu'on peut adapter la tradition. Mais pour ça, il faut des gros livres épais. Bon. Ben, c'est vrai, c'est des gros livres épais. Bon. Alors donc, quand on a la question et la réponse, c'est que ça passe, le bâton revient. C'est comblé. Mais l'ego ne sait pas trop quoi faire avec l'expérience. Il y a eu le sentiment du trou puis le sentiment qui s'est rempli en même temps. Oui. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne, ce qui est important aussi, c'est que quand on a une question et on a une réponse, l'ego va essayer de retenir la réponse. Parce que l'ego, lui, a comme capacité de retenir l'énergie uniquement le fait de la mettre en mémoire, sous forme d'information. Alors que dans le plan vital, l'énergie est cumulée, mais pas sous forme d'information. Dans le plan supramental non plus. Alors l'ego, donc, la personne, elle peut vouloir chercher à retenir toute l'affaire au complet, alors qu'elle perd son temps. Bon, alors moi, les questions et les réponses, j'en ai, ça... Bon. Et puis, je n'ai pas, finalement, je m'en fous. Alors, donc, quand ça se passe, c'est simplement ce qui arrive, c'est qu'il y a la question qui est là, la trace laissée dans l'ego, et le trou est immédiatement comblé, il y a la réponse. Et puis, ça peut amener un autre trou, ben oui, plus on a de contact avec l'intelligence, ben à un moment donné, ça continue à passer. Fait que là, je viens d'avoir une réponse, puis j'ai une autre question tout de suite, et une autre réponse, une autre question tout de suite. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai déjà expliqué, à un moment donné, une des techniques de synergisation pour s'aider soi-même, c'est de rencontrer quelqu'un, puis de faire un jeu. Puis le jeu, c'est celui qui pose la meilleure question. On répond jamais aux questions. Alors, dans le genre, justement, il sait à quoi, quel est le but de l'univers? Lui, il faut qu'il pose une question meilleure. Mais il va dire, à quoi ça sert de poser des questions comme ça? Bon. Là, moi, je vais répondre, puis la tienne, à quoi ça sert? Bon. Puis là, on continue comme ça, là, on se réchauffe. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va aller, on laisse rentrer l'énergie qui bouge le trou, mais on n'a pas l'information, mais on s'énergise en tabarouette. Puis, à un moment donné, on va rentrer dans des questions, là, que si un philosophe ou un psychologue entendrait ça, il irait se suicider. Bon. Et s'il n'est pas suivi tout le lot. Des questions phénoménales. Alors, donc, le fait de la question, etc. Et puis, il n'a pas le temps. Bien, ça, le temps de tout ramasser, mais on ne ramasse rien. C'est une question d'énergie. On n'a pas besoin de tout comprendre. Ce phénomène-là, je l'ai vécu à l'occasion. La plupart du temps, devant un miroir. C'est que si tu passes devant un miroir, en tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. Puis à un moment donné, pose la question, puis lui, tu réponds. Les yeux se regardent. Là, okay. Les deux yeux. Non, mais les deux paires oui, d'yeux se regardent. Puis là, ça se met à l'entrée là, comme un débit astronomique de questions-réponses. Tu n'as réellement pas le temps. Parce que tu te sers de ton nombre de formes. Autrement dit, c'est que toi, tu te sers de l'onde de forme que tu dégages quand tu es en public. Puis ton ego ne te fait pas confiance, mais il peut faire confiance au conférencier ou à l'intervieweur Charles Villeneuve. Fait que quand il le voit, il accepte. Il accepte sa réponse à lui. Oui. Mais comment ça se fait que, comme... Non, je ne poserai pas cette question-là. Pas une question. Un autre exemple. Parce que ça se fait en anglais. Oui, entre autres. C'est parce que tu es nous. Mais je sais. Mais... Voilà un exemple. Tout le monde a été séparé entre le séparatisme et le nationalisme. Mais l'exemple d'une personne qui a l'impression que, ah, oh, moi, je n'ai pas, bon, c'est pas sûr qu'elle sort, c'est pas sûr qu'elle est correcte, médiocre, ça regarde dans le miroir, ah, oh, ben, je ne suis pas si pire que ça, fait confiance à ce qui est là. Hein. Bon, c'est la même affaire, là. C'est le même rôle. On peut, tu fais confiance à ce que tu es, mais vu que tu ne te vois pas, tu ne fais pas confiance, mais c'est de l'illusion. La fin de la question, c'était que quand ça se passe, tu ne peux pas dormir après. T'es parti. Oh, c'est parce que tu ne contrôles pas encore assez de la pensée. C'est pas de la pensée. Ah ben, tu contrôles pas, c'est un ajusteur de pensée. Un ajusteur de pensée, c'est échalé. À un moment donné, ça parle. Tu dors plus, tu travailles plus, tu fais non, plus rien. Non, ça parle pas, ça fait rien. Non, mais ça parle à une vitesse que tu comprends pas. Ah, ça c'est plus logique. Là, j'ai compris. Quelle est la cause des cercles disposés d'une façon esthétique que l'on retrouve dans différents champs agricoles de la planète, mais surtout en Grande-Bretagne? J'arrête. J'apprends. Eh oui, c'est ça, c'est bien. N'empêche, on était les pattes, je connais la suite, pas du coup. Bon. Mais, ces cercles, à quoi ils servent? Ils ne servent pas à grand-chose, puis ils servent énormément à plusieurs choses. Premièrement, on pense souvent que c'est des phénomènes extraterrestres. À Glasgow, entre autres, en Angleterre, on a trouvé des trucs intéressants, puis il y a des choses qui se répètent d'année en année. Alors là, ils ont décidé de mettre des caméras pour prendre le petit crétin qui allait faire ça. Certains disent que c'est intraterrestre, d'autres disent que c'est extraterrestre, d'autres disent que c'est de la magie, d'autres disent que c'est des personnes qui viennent faire des mauvais coups. Puis les caméras, ils ont dit quoi? Les caméras, encore, n'ont rien pris. Puis dans un des champs, entre autres, ça fait plus qu'une vingtaine d'années qu'à chaque année, la même date, ça se refait. Fait que la personne, en tout cas, si c'était un crétin, il est crétin en tabarouette. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Premièrement, il y a dans ces apparitions-là, ce n'est pas toute la même chose. Autrement dit, dans certains cas, ce sont des traces, donc des rencontres de deuxième type, des traces laissées au sol par des phénomènes extra ou intraterrestres. Dans certains cas, comme à Glasgow, entre autres, c'est un phénomène d'apparition. On a eu des apparitions, c'est de la sorcellerie. D'ailleurs, l'Angleterre a été extrêmement soutenue pendant longtemps par de la magie. De Merlin à l'enchanteur, aller jusqu'aux sorcières, il y en a eu en masse. Il y a eu plusieurs mages. Et toute la quête du Graal s'est faite là. Partant en Espagne, mais ça partait de l'Angleterre vers le Mont Salvat. Et il y a présentement des apparitions fréquentes. Il y a encore des cultes qui se font comme ça. Il y a beaucoup de réincarnations de vieux cultes. Et il y a des apparitions fréquentes, comme l'apparition de la Vierge au niveau du catholicisme. Dans certains territoires planétaires, on a des apparitions qui se font au niveau des forces belzébuciennes, donc des forces telluriques, ça veut dire des forces naturelles. Et ça va bouger les choses comme ça. Il y a plusieurs explications dépendant des régions où on veut aller sur le contexte planétaire. Ce n'est pas toute la même chose. Il y a une place en Écosse où ils ont ce genre de phénomène. C'est simplement parce que, bon, le phénomène existait un peu ailleurs, et puis, subitement, le phénomène est disparu, puis le phénomène est apparu ailleurs. C'est qu'il y a eu une migration d'un carrefour d'énergie tellurique. Et dans ces régions-là, rien ne pousse, et c'est habituellement assez rond, assez cercle. Alors, il y a eu, par exemple, près de Fénorme, il y avait un carrefour comme ça. Alors, il n'y avait rien là. Les gens d'une communauté de là-bas allaient se ressourcer là. Il y a des migrations comme ça, et de temps en temps, il y a des canaux qui vont se croiser, c'est-à-dire que le point migre. Et de temps en temps, quand on arrive dans certaines régions où il y a certaines cultures avec certains minéraux au niveau du sol, il y aura une propagande plus puissante. Puis ça va encore créer des dessins particuliers en fonction de la tellurie. Ce qui fait que dépendant des régions, il y a des explications qui sont différentes. Est-ce que l'égrégore des croyants attendant le retour du Christ en chariot de feu est dans le coup, manifestation vitale? En tout cas, les chariots de feu, ils vont avoir une surprise parce que il n'y aura pas eu du feu en avant, on en va dedans. Est-ce que... Bon... La croyance des chrétiens, c'est une croyance qui est mélangée. C'est-à-dire que c'est Jean de Patmos, entre autres, a donné plusieurs explications. Et dans ces explications-là, il avait une vision, comme souvent l'humain en a quand il fouille dans différents niveaux en même temps. C'est qu'on voit sur plusieurs niveaux. Et à travers ces niveaux-là, il y a un mélange qui se fait. Quand on parle de chariot de feu, on parle aussi des sept cavaliers de l'Apocalypse, on parle d'un paquet de choses. Les chrétiens vont attendre l'arrivée. Chariot de feu, pour plusieurs personnes, ça a été nécessairement des vaisseaux extraterrestres, des fusées. Hein? Sauf que la majorité des vaisseaux extraterrestres n'ont pas de feu en arrière. Les fusées, oui, les missiles de croisière, les missiles à longue portée, etc., ça, c'est des chariots de feu. Et l'avantage aussi, c'est que quand ça vient s'éclater, ça crée du feu. Bon. L'énergie nucléaire, elle a la caractéristique de créer des mutations génétiques. Dernièrement, dans Science et Vie, il y avait un article sur les mutations positives engendrées par l'énergie nucléaire sur les animaux. Ce qui, jusqu'à l'époque, on pensait que c'était négatif. Moi, j'ai expliqué longtemps que s'il y avait une guerre nucléaire, elle sera assez tardive et ça sera utile à beaucoup d'hommes et de femmes nouvelles dans leur mutation pour traverser. Ça va améliorer leur corps physique. Lorsqu'on parle, donc, le retour du Christ, on parle, premièrement, le retour du Christ, c'est le retour de l'intelligence christique, donc c'est pas le retour d'un personnage, c'est le retour d'une conscience. Ça va apparaître à travers plusieurs personnages. En chariot de feu, il y a un mélange avec les apocalypses, il y a un mélange avec... il y aura une intervention extraterrestre, il y aura des contacts extraterrestres avec des êtres humains intelligents. Premièrement, on parle souvent d'extraterrestres. Il y a eu des contacts intraterrestres avec des êtres humains dans la moyenne, aller en descendant. Et tout le monde pensait que c'était des extraterrestres. Il y aura des contacts extraterrestres dans un avenir très, très, très, très, très, très rapproché. En termes d'années, ça veut dire 92, de toute façon, il y a des êtres humains intelligents qui auront eu des contacts directs avec des mécaniques extraterrestres. 91, c'est probable. 92, c'est officiel. Au Québec en plus, un peu ailleurs, au Québec surtout. Où là, des êtres conscients, intelligents vont commencer à toucher. Ça va faire plaisir aux moustachus. Non, ben, non! Donc, non. Faut plus que je pense. Ben, c'est pas toi le moustachu, là. Non, non, non. Toi, c'est pas le moustache que t'as comparé. C'est une imitation, moi. Oui, c'est sûr. C'est juste... Une briquette. Alors, donc, les chariots de feu, c'est ça, c'est un mélange de plusieurs choses. Mais ce que les chrétiens attendent, c'est tout vrai. Ça va venir, par exemple, comme les gens, s'y en attendent pas. Oh, c'est vrai. Juste l'antéchrist, par exemple, qui travaille pour le Christ. Alors que la bête, non, mais l'antéchrist travaille pour le Christ. Et encore là, l'humain, ça va vraiment venir comme l'humain ne s'y en attend pas. Évidemment, il y aura de plus en plus de gens qui vont finir par comprendre. Mais c'est toujours comme ça dans la vie. C'est à peu près toujours quand on se fait frapper par le Comment veux-tu faire autrement? L'ego, il est mémoriel. L'ego, il essaie d'expliquer l'avenir, puis le présent en fonction à partir du passé. Alors, ça a toujours été comme ça, ben il s'attend à ce qu'en avant, ça soit pareil. Ça bouge en avant. Donc, nécessairement, c'est jamais comme il s'attend. C'est drôle, depuis aujourd'hui, quand tu dis comme il s'attend, Satan, tu eh oui, dis Satan. D'une autre façon. Satan à l'atmosphère. Depuis que j'ai des dents, je me ronge les ongles. Ça, c'est un problème. Ah, tiens, lui, c'est depuis qu'il y a des ongles. Ben, ça, et j'ai tout essayé, mais en vain. Comment pourrais-je freiner, une fois pour toutes, cette fâcheuse programmation dans l'âme? Et pourquoi je ne peux arriver à contrôler cette faiblesse de mon ego? Bon, vous voyez comment ça peut être clair. Est-ce que c'est intelligent de se ronger les ongles? Non. Alors, pourquoi tu le fais? Ben, c'est ça, on est manipulé. C'est bien clair. Imaginez la quantité de gens qui se font sauter le cerveau uniquement à essayer de comprendre pourquoi ils le font. Alors que ça serait bien plus facile s'ils finiraient par comprendre qu'ils ne le font pas, qu'ils sont possédés par quelque chose qui le fait, ils sont manipulés. Depuis que j'ai des lèvres, c'est intéressant, évidemment. Sa mère doit être contente au début, ça aide. Il y a plusieurs solutions. Vous promenez avec des personnes qui ont des grands ongles, puis vous mâchez les ongles à eux. C'est une façon de s'en sortir. La première réponse qu'on peut donner, c'est la réponse qui est la plus intelligente, c'est que l'individu ici a un élément majeur pour évoluer rapidement. Et là, l'exemple parfait, et ce n'est pas trop mauvais pour la santé, il y en a qui, c'est d'autres problèmes qu'ils auront pour apprendre, et là, l'exemple parfait qu'elle est manipulée. Là, elle peut dire « Oui, mais je le sais! » On ne le sait jamais assez. Parce que oui, mais je le sais! Elle dit, t'es manipulé encore, là. Ah oui? Ah oui, on sait jamais assez. Alors, elle a la parfaite technique, elle l'a sur le bout des doigts, pour pouvoir... C'est le bout de la langue aussi. Ah, c'est le bout de la langue aussi. Pour pouvoir contrôler, développer le mental, pour que le mental devienne le maître contrôleur à bord, elle l'a en évidence. Chaque fois que, à ce moment-là, c'est comme si on lui répétait, t'es un animal humain encore. Mais il y a l'intelligence. Quand je parle d'animal humain, c'est pas péjoratif. Tout ce qui n'est pas évolutif est animal. Bon, puis ça reste collectif, ça vient en troupeau, c'est grégaire. Alors, ils disent, je mangeais les ongles, c'est pas digne d'un être humain. Bon, alors, elle a exactement ce qu'il faut pour. Alors, ce qui fait qu'au lieu de travailler sur un phénomène secondaire, si elle s'en sert comme aide-mémoire, et c'est un grand problème, la majorité des personnes qui se conscientisent, ils oublient toujours, si elle s'en sert comme aide-mémoire, eh bien, elle pourra développer énormément, puissamment son mental, et ce ne sera pas long qu'à un moment donné, elle va avoir le contrôle, elle va être capable de reprogrammer l'ego. Mais l'avantage qu'il y aura dans cette technique, c'est que, même si c'est important, même si la personne ne comprend pas toute la mécanique qu'elle va développer, on s'en fout de comprendre ou de pas comprendre, c'est que ça fonctionne. Alors, à un moment donné, c'est qu'elle aura elle-même développé des mécaniques pour travailler l'ego, contrôler des parties qui sont problématiques chez l'ego, et elle aura un baromètre, ses ongles. Quand les ongles commencent à pousser, c'est qu'elle commence à être un peu plus en maître contrôleur. C'est le baromètre. Alors, ce que je suggère donc à la personne, c'est d'observer, de ne pas se mettre en colère, de conscientiser, d'intelligencer, puis de s'en servir. Elle a un outil. Alors, autant se servir de l'outil. Il y en a d'autres, c'est la colère, mais c'est plus problématique. D'autres, ça sera fumé, d'autres, ça sera boire, d'autres, ça sera, etc. C'est pas trop pire, les ongles. Pas trop pire. Surtout que si elle se met à agresser quelqu'un, elle peut même pas le graffiner. C'est non-violent. Bon. Mais, ça dépend toujours jusqu'où à gruge. On peut s'amuser un peu, mais comprenez la mécanique. C'est... Elle a un outil fameux pour avancer. Quand je me retiens, ça va à peine que je me retienne. Doit-on encore privilégier le couple dans l'amour à l'ère du Verseau si chacun se doit à ses occupations, ses loisirs, ses amis, ses etc.? Quelle est la raison d'être en couple? La raison d'être du couple, à part les enfants, quelle sera sa nouvelle vocation? Alors, posons-nous une autre question. C'est quoi la raison d'être du couple actuellement? Hein? Dans le passé, la raison d'être du couple, c'était quoi? Croissez, multipliez-vous, avoir des enfants. Alors, l'humain était investi d'une conscience qu'il faisait rechercher. La raison d'être du couple aujourd'hui, c'est quoi? Se minoucher? S'engueuler? Partager le loyer? C'est quoi la raison d'être du couple? Et l'humain souvent a peur qu'un couple intelligent, ce soit un couple qui soit toujours en train de déménager. D'un bord puis de l'autre. Les raisons ancestrales puis les vieilles raisons qui faisaient que le couple était ensemble vont nécessairement mourir. Il y a un paquet de nouvelles raisons qui vont paraître. C'est ta fille qui fait une conférence, là? Oui, ça, je suis sûr de l'inventer. Elle arrive d'un grand voyage. Ouais, tout ça, raconte ça à tout le monde. Elle raconte ça au gardien, là. Ouais. C'est lui qui fait le ménage. Bon. Donc, doit-on privilégier le couple dans l'amour de l'ère du Verseau? On ne privilégiera rien. Imaginez la problématique que c'est de vouloir privilégier une chose, de vouloir entretenir une chose au détriment même de ce que la chose devrait exprimer. Au lieu de privilégier la forme, il faudrait qu'on privilégie, à un moment donné, le contenu dans la forme. Alors, c'est par exemple de dire, pendant longtemps, c'était la même chose, « Mais se divorcer, m'avoir raté ma vie. » C'est la forme qu'on privilégiait. Tu sais, tu réussis ta vie si tu te maries, si tu pognes une femme ou un homme, puis après ça, bon. Mais là, c'est pas ça. C'est que l'humain, c'est autre chose que la forme. Les deux dans le couple sont mauditement plus importants que le couple. Alors, c'est ce qui va se passer au niveau de l'amour du Verseau. Alors, les personnes peuvent dire à un moment donné, « Oui, mais regarde, moi, je reste avec une femme, mais là, si on s'aime intelligemment, ça veut dire qu'elle peut partir n'importe quand. » Oui. Ça veut pas dire qu'elle va partir n'importe quand. Ça veut dire qu'elle peut partir n'importe quand. Puis à quoi ça sert de l'amour si je lui interdis de partir quand elle veut? Alors, on signera un contrat. On fera des ci et des ça. Une personne peut dire, oui, mais c'est une question de sécurité. Ben, arrangez-vous au niveau de la sécurité. Mais si des êtres humains intelligents, là, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas un qui va laisser l'autre là, etc. On va se ramasser dans la rue, etc. Tous les contrats qu'on a présentement, là, c'est pour ceux qui ne sont pas intelligents. Puis, quand je dis ceux qui ne sont pas intelligents, je parle de la race humaine en général. Bon, moi, je suis soumis à ces lois-là. Même si je suis intelligent, je suis pris dans la mécanique. Mais on met des lois, pourquoi? Pourquoi y a-t-il une loi qui interdit de brûler un feu rouge? Parce que ceux qui conduisent ne sont pas assez intelligents pour arrêter sans la loi. Bon, dans l'ère du Verseau, on parle d'amour intelligent, d'intelligence que du cœur. Il y a donc de l'intelligence. Si, par exemple, l'homme et la femme sont ensemble, s'ils partent, ils divisent en deux, c'est intelligent. Oui, mais si l'autre a ambitionné tout le temps, si l'autre est intelligent, il n'a pas resté avec, donc il n'y a pas aucun problème. Puis s'ils ont des enfants, ils vont s'arranger esthétiquement. Et tout le monde va être d'accord. Il n'y aura pas de problème. Alors, quand on parle du couple, même chose, par exemple, et souvent, il faut faire attention, je ne dis pas que la question elle a cette saveur-là, mais chacun doit vaquer, par exemple, à ses occupations, ses loisirs, ses amis, son conjoint, de bord. Mais en réalité, c'est même plus « c'est ». Et ça, ça va faire partie d'une mutation au niveau du langage. Ma femme, non. Mon mari, non. Mes enfants, non. Mais non. Ça ne vous appartiendra plus. Et pour l'ego, c'est très pénible. Mais on ne perdra rien. On va gagner tout ce qu'on a perdu, puis on ne perdra pas ce qu'on a. Alors, c'est toute une mutation, même au niveau de la vision et de la conscience. C'est totalement différent. Je sais, bon, au niveau, par exemple, de certaines structures, au niveau des séminaristes, de temps en temps, il y en a qui jasent. Puis il y en a qui voient évoluer un peu l'intelligence chez certains, là, en couple, puis ils se disent, « Ouais, mais là, moi, je suis vraiment moi aussi, seul comme ça, du jour au lendemain. » Pourquoi? Parce que ta femme ou ton mari n'a plus besoin de toi. Mais parce qu'il n'a plus besoin de toi, il n'a plus besoin non plus de te manipuler pour que tu restes ce que t'es. Donc, drôlement mieux. Oui, c'est ça, allez-vous-en. Bon, je dis ça à ta fille. Je pensais dire ça à ta femme. Donc, quand on parle du couple et de ces choses-là, il ne faut réellement pas avoir peur de l'idée. Tu as des enfants, puis tu as ben, j'ai pas des enfants, ouais, j'entendais parler parfait. Tantôt. Bon, mes donc, enfants sont chez enfants qui restent chez toi. Ils sont partis en quelque part. Cela, tu as parlé à un de ces enfants-là, si c'est ennuyé. Tu connais déjà la réponse, ça va être non. Question idiote. Oui, c'est ça. Très non, ben non, ben bien direct en plus. Même un non, tu marchales. Bon. Par contre, il mange, elle mange chez vous, elle couche chez vous, elle brise chez vous, elle chiale chez vous, et mais elle t'aime d'un amour intelligent. Et on a automatiquement peur. Mais regardez ceci, elle s'est pas ennuyée, sa fille. Amenez-la en avant, puis dis-lui, tiens, maintenant, tu peux choisir un autre papa. On prend celui-là. Elle va le choisir maintenant. Là, on va dire, ben non, c'est parce qu'elle est attachée à lui. Non, elle le choisit maintenant. C'est celui qui est le plus en harmonie pour nourrir tous ses corps. C'est doux. Et si on reste assujetti à l'humour ancien, à l'amour ancien, moi, je trouve ça assez drôle, à l'amour ancien, on va avoir l'impression que c'est pas correct. On va vouloir l'acheter, la petite fille. On va y acheter les cadeaux. Faites ça avec Teflon. Faites ça un Teflon, puis il va prendre les cadeaux. Vous ne l'aurez pas plus acheté. Encore plus de frustration. Ça coûte tout cher, pour rien. Et oui, ça donne pas plus de résultats. Mais il n'y a aucun problème. Il y a une affiliation énergétique qui est faite. Appelez ça de l'amour. C'est bien mieux que de l'amour. C'est pas rien qu'au niveau de l'ego. C'est au niveau du corps astral, du corps physique, du corps vital, du corps. Bon, il y a même une sexualité qui existe entre sa fille et lui. Sexualité sans le corps. On va en parler la semaine prochaine. C'est ce qui va, de toute façon, en tout cas, ça va harmoniser et combler la majorité de tous ceux qui verraient des problèmes là-dedans. Quand on dit s'occuper d'eux, prenons un autre exemple. On vit à trois personnes et c'est toujours la même chose. C'est que moi, je dois, si je m'achète mes bebelles à moi, je suis égoïste. Fait que je dois penser à Charles. Alors, j'essaie de savoir qu'est-ce que Charles a besoin puis j'y achète ce qu'il a besoin. Mais c'est jamais exactement ce qu'il a besoin, c'est coloré parce que moi j'ai vu. Lui, ben, il achète à quelqu'un d'autre ce que l'autre a besoin parce que sinon il est égoïste. Puis l'autre peut être égoïste, ben, elle m'achète ce que moi, ce qu'elle pense que je veux. Fait que moi, j'ai jamais totalement ce que je veux, il n'a jamais totalement ce qu'il veut, puis elle n'a jamais totalement ce qu'elle veut. Et c'est l'amour intumé, on pense à l'autre. Dans l'ère nouvelle, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai pensé qu'à moi. Alors je vais maintenant décider, bon, ben, lui, achète plus rien. Je vais acheter pour moi. C'est ce que le Teflon fait. Mais le problème, c'est que l'autre continue à donner. Mais il va prendre. Alors, imaginez-vous comment je paraisse encore. Je donne pas, puis je prends. Mais ce qui va arriver, c'est que celui, il se réchauffe assez, il va se dire, crime, on me donne plus rien. Alors, je vais essayer de donner pour me donner. Alors, maintenant, moi, j'ai totalement ce que je veux. Je commence à être heureux. Lui a totalement ce qu'il veut. Il commence à être heureux. L'autre qui reçoit plus, puis qui continue à donner, elle souffre. Et c'est elle qui va venir se lever contre l'amour intelligent. Puis à un moment donné, elle va finir par se donner ce qu'elle a besoin. Et qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on va tous chacun être dans notre coin. On est déjà dans notre coin. Bon. On va tous être chacun dans notre coin. Pourquoi? Maintenant, je suis totalement comblé, totalement harmonieux, totalement serein, totalement moi-même. Puis je rencontre subitement quelqu'un qui est comme moi. Faites-vous-en pas. On va avoir de quoi échanger ensemble en maudit. Pas rien qu'au niveau du verbal ou sur d'autres choses, pas rien qu'au niveau des cadeaux. Peut-être que je vais y faire un cadeau. Le cadeau va être une façon de créer une synergie. Je ne l'achète pas. Alors, il ne me dit pas merci, j'en ai pas besoin. Il ne me redonne pas l'appareil, j'en ai pas besoin, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de l'amour intelligent. Ça, c'est à ça que ça va ressembler. Mais encore une fois, l'humain peut dire tout de suite, « Mais il suffit qu'il n'y ait un qui ambitionne. » Mais non, transposez pas l'air du poisson dans l'air du Verseau. Parce qu'on y rentrera jamais. De toute façon, celui qui ambitionnerait, c'est lui qui va payer pour, dans le sens que c'est ben, de toute façon, je répète encore, on a de l'intelligence. Celui qui ambitionne, il va ambitionner pas sur les êtres humains intelligents. Il ne pourra pas ambitionner sur eux. Il va ambitionner sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va précipiter l'écœurement des autres, et les autres vont finir par faire la même chose. Parce que quand on dit vaquer uniquement à ses occupations, c'est totalement évident. Imaginez que vous avez, de toute façon, c'est un fait, vous avez tout pour être heureux. Il y a des individus qui s'achètent des chapeaux. Ça existe. Ils se mettent ça sur la tête. Ils regardent dans le miroir. Ils se trouvent cute. Mais là, ils vont voir quelqu'un et ils disent « Comment tu me trouves? Comment tu trouves mon nouveau chapeau? » Mais là, on doit dire qu'il est beau. Ah ben, il est laid. T'as l'air d'un clown. Pour être poli, gardez donc votre bonheur entre vos mains. Alors, on le donne à autrui, puis la politesse fait que l'autre devrait nous le remettre. Puis là, on joue. On rend mal à l'aise des individus. On joue mal avec les énergies. Ça fait partie de l'amour conditionnel. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, l'amour. Me trouves-tu beau? M'aimes-tu encore? Je suis encore à ton goût? Est-ce que je nourris encore la partie de l'ego chez toi? Ça, ça serait plus clair. Bon. Ça fait moins romantique, mais ça fait plus clair. Oui, c'est sûr. Mais moins romantique, ça fait moins hypocrite. C'est ça. Ouais, hein? Hey, c'est pas bon. Parce que, qu'est-ce que c'est que la vraie romance? C'est quelqu'un qui est romantique, il est romantique toute sa vie. Il est pas romantique quand il fait la cour. Puis après ça, il est bête comme ses pieds le reste du temps. C'est pas ça. Ça, c'est encore acheté. C'est donner des beaux atouts, hein? C'est comme mettre nos belles couleurs pour impressionner au maximum. Puis quand l'autre a bien été impressionné par ma présence, il peut plus se passer de moi. Je l'ai. Je l'ai eu. Puis après ça, je lui ai demandé, moi, les plumes toutes ouvertes de même, fatiguant, hein, fini par rentrer ça. Puis l'autre, il trouve que je suis plus tout à fait comme j'étais, tu sais, puis ben, j'ai super des plumes. Ben oui. Ben ça, c'est quand l'autre, il la ramasse pour s'énergiser. Mais c'est de l'amour. L'amour de l'air du Verseau, ça se développe. Ça va de toute façon, ça va s'émanciper, c'est évident que ça va apparaître. On va surtout parler de certaines mécaniques. Par exemple, la sexualité. Qu'est-ce que c'est la sexualité? Uniquement une question de corps physique? Absolument pas. Et les humains, disent faire l'amour. On fait l'amour. Faire l'amour en groupe, l'humour en groupe. Ouais, ça c'est autre chose. Au moins, ça c'est comique. Mais c'est de l'amour. Parce qu'il y a un échange d'énergie au niveau du corps astral qui est phénoménal, mais il y a des archétypes. La sexualité sans le corps physique, ça se fait. Mais évidemment, ça ne sera pas tout à fait comme avec le corps physique. Hein? C'est évident. Bon. Il y a des mécaniques comme ça qui vont être très intéressantes, très importantes d'expliquer. Dans la mécanique de l'amour, surtout au niveau de la transition, c'est une grande problématique parce que ceux qui transitent, qui se conscientisent, à un moment donné, sont totalement épuisés au niveau du corps vital. On va parler donc, à un moment donné, des pertes d'énergie et de comment refaire son énergie. On parle de la sexualité aussi, parler de l'amour intelligent. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que si c'est évident que si on part avec l'idée que dans l'amour intelligent, tout le monde est égoïste à 100%, comme dans l'amour actuel, tout le monde est égoïste à 100%. Tu sais, c'est évident. Bon, on aime l'autre uniquement s'il nous plaît. On est égoïste en maudit. Sauf qu'on le cache, puis on le sait pas trop. Dans l'amour intelligent, on le cache plus, puis on le sait. Grosse nuance. Alors, ça va être simplement que tout est en fonction de ce que moi j'ai besoin. Comme ça se passe présentement, mais on en souffre parce qu'on est pogné avec de l'illusion, de la non-transparence. Si on prend l'exemple de l'amour, si on parle d'amour, l'amour, ça devrait se répandre partout. Ça veut dire quoi? Et c'est d'ailleurs ce que ça fait. Hein? Le plus laid ou la plus laide peut être aimé, puis aimé. Un criminel, ça a une blonde, ça a un Trump. Bon, il n'y a pas de problème, Adolf Hitler avait une blonde. Hein? Bon, l'amour, c'est partout. La problématique, c'est que l'humain la canalise et la contrôle. Mais qu'est-ce que ça serait, l'amour? Pouvez-vous décider que vous aimez un tel, puis pas un autre? Ben, c'est là, on n'est plus dedans du tout. Vous imaginez la quantité d'énergie que vous perdez en sélectionnant. Ah oui, mais je ne suis pas pour aimer tout le monde. Je n'ai pas, pas quoi. Il faut que je fasse tout le monde. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Je ne peux pas rester... Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il y a des individus qui sont... Bon, la femme surtout. La femme, elle a un pas d'avance là-dedans. La femme va être capable de... Les mères, la majorité des femmes, capables de regarder des enfants, des jeunes, par exemple, puis de regarder en extase, une forme d'extase. On appelle ça... ces personnes-là sont des mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'abreuver de l'onde de forme de l'enfant. Hein? C'est ce qu'ils font. Alors, ils sont en train de s'abreuver de l'onde de forme de l'enfant, ça les rajeunit, ça les ravigote, ça, etc. Si l'ego s'en mêle émotivement, bien là, pour ça, peut-être qu'ils vont être malheureuses. Ah, bon, parce qu'ils n'auront pas d'enfant. Ils n'ont peut-être plus d'enfant. Mais si l'ego ne s'en accapare pas, bien, ils vont être énergisés. Les enfants Teflon sont d'excellents professeurs pour les égos des parents dans l'amour intelligent. Oui. Ah, absolument. Absolument, parce qu'ils sont, du point de vue de l'amour ancien, totalement sans cœur, alors qu'ils sont totalement pas sans cœur. Justement, ils ont suffisamment de cœur. On prend un exemple d'amour intelligent, c'est un exemple que j'ai compté de temps en temps, mais quand j'étais au Pérou, il y a des personnes qui me suivaient dans la jungle, et puis on marchait, et puis il y avait des trous. Et puis, la nuit, on voit rien. Alors, on pratiquait des techniques, justement, pour déployer le corps vital de façon à voir sans les yeux. Alors, moi, je perçois le trou, je contourne le trou, puis j'avertis pas l'autre en arrière. Lui, il est venu pour ça, fait que c'est ce qu'on s'agale de notre tempête, bon. Et lui, il perçoit le trou, bon, il contourne, puis il perçoit le trou, puis il contourne. Personne ne le dit. C'est de l'amour intelligent. Pourquoi? Parce qu'on autorise à tout le monde d'apprendre. Alors que si on le dit, on est esclave de notre vision. Autrement dit, si je le dis aux individus, ils vont être toujours parfaits quand ils vont me suivre. La journée, je serai pas là, ils vont tout se casser la gueule. Bon. Alors, si je dis, oui, mais je les aime à un point tel que je laisse aller, sinon, qu'ils se cassent une jambe, là, on l'aidera. En attendant, je le laisse aller. Dans la vision traditionnelle, on dirait, bon, non, il est bien sans cœur. Tu sais, si j'explique pas, quelqu'un qui nous regarderait aller, il dirait, pardon, je les amène jusqu'à dans la jungle, puis il les laisse. Ben, c'est évident. La vie, elle m'apprend. La vie leur apprend. Je les aime là. Pas en bas, là. Ah, puis pour l'univers, ben, on reviendra là-dessus. La conférence de la semaine prochaine, une sexualité sans le corps physique. Est-ce que ça se protège? Ça verra ça. Ah, bonne semaine. Bonne semaine. Mmh.